22, 15, observation, le temps qui passe. Se dépêcher, être en retard. Pourquoi est-ce que tu te dépêches comme ça? Je suis en retard. Ne te dépêche pas comme ça. C'est d'être en retard. Dépêchons-nous, nous allons être en retard. Ça ne sert à rien de vous dépêcher maintenant, c'est trop tard. Ce n'est pas la peine de se dépêcher. Nous ne sommes pas en retard.